Jean-Baptiste Ndikomanyanga. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de la radio de Sangandilo. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce dimanche 2 octobre 2022. Donc voici d'abord le sommaire. Pour équiper les écoles en banc pupitre cette année scolaire, le ministère de l'Éducation compte acheter 90 000 bancs pupitres à un coût de 1 200 000 000 de francs burundais. Le porte-parole de ce ministère l'a dit lors de l'émission publique de ce vendredi au chef-lieu de la province Kayanza. Un commerçant grossiste de Kayanza a été rayé de la liste par le gouverneur de cette province. C'est après qu'une grosse quantité de sucre ait été saisie chez lui au cours de cette semaine. Et la chronique nutrition de ce dimanche est portée sur le noix de coco qui est très riche en sels minéraux. Anselme assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 90 000 bancs pupitres seront achetés à 1 200 millions de francs burundais pour cette année scolaire. Précision du porte-parole du ministère burundais de l'Éducation lors de l'émission publique de ce vendredi. Liboan Vigilimana a en outre ajouté que la réparation du même nombre de bancs pupitres a coûté 1 milliard de nos francs. Selon lui, leur distribution se fera selon le besoin de chaque établissement scolaire. L'effondrement de la route nationale numéro 16 au niveau de la colline Murambi en commune province Rumonge, un phénomène débuté il y a environ 2 ans, se poursuit et atteint 3 mètres de dénivellation. Les usagers de cette route qui ne restent plus qu'avec un petit passage pour les petits véhicules demandent une intervention rapide avant le début effectif de la saison pluvieuse. Régis Mahounayo, directeur général de l'ARB, agence routière du Burundi, informe qu'un nouveau remblai y est envisagé bientôt pour y pérenniser la circulation. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Une petite bande de circulation passant aux abords d'un grand ravin, une bande qui ne laisse passer que les petits véhicules, et là aussi alternativement, et celle-là qui ne pourra pas survivre avec la saison pluvieuse qui s'annonce, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, selon les usagers de cette route. Les habitants de Mutiro, rencontrés sur les lieux, disent que les échanges commerciaux sur cette route sont paralysés car les véhicules poids lourds alimentant ou desservant Rukiro en marchandises n'y passent plus, les plongeant ainsi dans une extrême pauvreté. Ceux qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais de tout faire pour renormaliser la circulation à ce niveau dans les plus brefs délais. D'autres encore estime que c'est tout le tronçon Mutambala, chef-lieu de la province de Bururi, qui devrait être réhabilité au regard des nids de poules qui s'y trouvent. Régis Mahounayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, après sa descente sur le terrain ce 1er octobre 2022, dit qu'on va encore remblayer la zone pour permettre aux véhicules de continuer de passer en attendant les travaux de grande envergure. Tous les efforts déployés pour stabiliser cette zone n'ont pas abouti à stopper son effondrement débuté il y a de cela près de 2 ans, la cause de ce perpétuel effondrement n'étant pas jusqu'à présent connue. Jean-Pierre Misago, depuis Murambi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Courte pause, on entame après la page Bonne Gouvernance. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rendons-nous à Kayanza où il y a suspension d'un commerçant grossiste du sucre en cette province du nord du pays. Décision prise par le gouverneur de la province Kayanza après qu'une quantité importante de ce produit ait été saisie en cette semaine chez le représentant des commerçants et qui était d'ailleurs grossiste du sucre. Rémi Chichahayo dit qu'il y aura désormais des commerçants semi-grossistes au niveau de chaque commune, lesquels distribueront ce produit aux autres commerçants dans des zones et sur des collines pour que des consommateurs puissent en bénéficier facilement. Les habitants de la province Kayanza apprécient positivement cette décision, n'est-ce pas Patrick Saint-Guillaume? Cette décision de suspendre en province Kayanza la fonction d'un commerçant grossiste en charge de la distribution du sucre aux autres commerçants rentre dans le cadre, selon Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, de faciliter la tâche aux habitants consommateurs de ce produit. Cette autorité provinciale à Kayanza fait savoir que sauf la commune Kayanza qui sera dotée de 4 semi-grossistes de ce produit, d'autres communes auront 2 commerçants semi-grossistes en charge de la distribution du sucre aux autres petits commerçants. Rémi Chichahayo demande aux administrateurs communaux de dresser des listes de ces nouveaux commerçants semi-grossistes du sucre et les afficher quelque part afin qu'ils soient connus de tous. Les habitants de la province Kayanza, consommateurs du sucre avec lesquels nous sommes entretenus sur ce sujet, disent s'en réjouir beaucoup. Toutefois, ils demandent à ces nouveaux commerçants semi-grossistes du sucre d'éviter la spéculation comme c'était le cas avec l'ancien grossiste de ce produit à Kayanza. Rémi Chichahayo est gouverneur de la province Kayanza, mais en garde de ces nouveaux commerçants semi-grossistes du sucre que celui qui sera accusé de spéculation sera puni conformément à la loi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiouva de Kayanza. Rendons-nous à Kirundo pour parler toujours gouvernance. L'administrateur de la commune de Gambarangwe, Jean-Claude Kinyoni, a été démis de ses fonctions depuis ce vendredi. Les membres du conseil communal n'ont plus de confiance en l'accusant de malversation financière, octroi des marchés publics dans l'illégalité et la non-collaboration avec ses conseillers et les membres du conseil communal. Dans une lettre du ministère de l'Intérieur sortie ce vendredi, ce ministère a déjà fait le constat d'un poste vacant d'administrateur communal de Gambarangwe et demandé la tenue de la réunion du conseil communal pour élire le nouvel administrateur. Signalons que dans la réunion tenue au mois d'août par le gouverneur de Kirundo à l'endroit de l'administration et le conseil communal à Gambarangwe, l'administrateur a nié les accusations et a plutôt déclaré qu'il s'agissait du montage et des pièges qui lui étaient tendus pour le chasser de son poste. Simbananiye Ferdinand, lui aussi, n'est plus administrateur de la commune Nyabiraba depuis vendredi en province de Bujumbura. Accusé d'usurpation du pouvoir, il a été suspendu de ses fonctions le 30 septembre par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, qui appelle le gouverneur de la province de Bujumbura à mettre en exécution l'ordonnance ministérielle portant suspension de Simbananiye Ferdinand à la tête de la commune Nyabiraba. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Aboubanza, les cultivateurs de cette province se lamentent et disent qu'ils n'ont pas de semences de maïs sélectionnées en pleine saison culturelle. Ah, ils demandent aux autorités de les aider à avoir des semences. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, on explique que les stocks qui étaient disponibles sont déjà épuisés, mais que d'autres subventionnés seront bientôt disponibles. L'État avec Space Caritas Kabanyana. Un cultivateur qui est aussi moniteur agricole de la commune de Boubanza, contacté, déplore le fait que les stocks de la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Boubanza sont actuellement vides de semences de maïs hybride et que les cultivateurs ne voient pas où trouver les semences sélectionnées alors que la saison culturelle a déjà commencé. Ils demandent aux autorités concernées de les aider à pouvoir trouver des semences à temps pour ne pas retarder le semis. À la direction provinciale de l'environnement, département de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza. On explique qu'ils avaient 15 tonnes et qu'ils ont été tous donnés aux cultivateurs. Certains ont déjà planté et c'est bientôt le sarclage. Emmanuel Ndikubaganwa, directeur à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, fait également savoir que même les multiplicateurs privés qui pourraient aider les cultivateurs n'ont pas de semences actuellement. Il y rassure cependant les cultivateurs et précise que d'autres semences sélectionnées, subventionnées, vont bientôt être disponibles à un prix de 3200 francs le kilo. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana de Bubanza. Rendons-nous à Gitega, où les personnes âgées devraient consommer des aliments riches en calcium et phosphore pour le renforcement de leurs os et devraient aussi faire souvent la marche. En outre, ils devraient éviter l'excès d'alcool, le tabagisme et les aliments riches en graisse. Tels sont les propos du kinésithérapeute Godefroy Sindai Heboura dans une présentation préparée à l'occasion des cérémonies de la Journée internationale des personnes âgées organisée ce samedi à Gitega par l'association Sans Barrières d'Âge Asaba. Les personnes âgées se disent satisfaites de la présentation. Les détails avec Gérald Nibikit. Le kinésithérapeute Godefroy Sindai Heboura a, dans sa présentation à l'endroit des personnes âgées de Gitega ce samedi, demandé à ces dernières de consommer beaucoup d'aliments riches en calcium et en phosphore pour le renforcement de leurs os. Manger au niveau de l'alimentation, prendre des aliments riches en calcium et en phosphore. Si possible, s'il y a des moyens, la personne âgée doit manger vraiment souvent des fruits qui sont riches en vitamines, mais aussi manger des sels minéraux. Et parce que comme ça, ça va se procurer pour que des minéraux différents, à la classe, le calcium, le phosphore, bien sûr, et les produits de mer, et des poissons, et du lait, en bref, les produits riches en phosphore et calcium. À propos de l'AVC qui attaque souvent les personnes âgées, il conseille la marche et la réduction de la fréquence de consommation de certains aliments. C'est la marche douce, la marche de la volonté, mais de temps en temps aussi, travers son corps, ça dynamise tout le corps normalement. Et si possible, éviter cette alimentation, notamment le tabac, vous savez qu'une personne souvent, il y a des gens qui me disent arrêter la nicotine et tout ça, diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup les lipides, parce que comme on a du cholestérol, et ça peut être une hypertension. Éviter du sucre, beaucoup de sucre, ça va déranger le diabète, puis aussi éviter beaucoup de boissons alcoolisées. Les personnes âgées présentes ont apprécié cette présentation. Il nous a montré les gestes à éviter. Un vieil homme ou à une personne âgée, prendre par exemple un pantalon et le mettre en étant debout alors qu'il a déjà perdu ses moyens. Se déplacer dans un milieu glissant. Se lever brutalement ou s'incliner ou soulever le poids parce qu'à un certain moment, en soulevant le poids dans une mauvaise position, vous risquez de voir beaucoup de problèmes, par exemple les crampes. Ensuite, il nous a expliqué le sport et les petits gestes qui sauvent. C'était lors des cérémonies de la Journée internationale des personnes âgées organisée par l'association Samba barrière d'âge à Saba de Gitega. 40 personnes âgées les plus vulnérables ont reçu de cette association une aide constituée de vivres secs. Pasteur Nunzweni Mana, représentant du secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi dans la capitale politique Gitega, a promis que la Croix-Rouge continuera à appuyer les activités de la Saba. Le monde célèbre la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre de chaque année. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la Radio Isangani. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le noix de coco est très riche en sels minéraux, dont le magnésium. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, explique que ces sels préviennent et guérissent les maladies des os, dont l'ostéoporose. Celle-ci diminue de façon progressive la masse osseuse. Les détails avec Omer Ndouaï. Nous avons parlé de la composition de la noix de coco dans la chronique nutrition précédente. Aujourd'hui, c'est le tour de ses vertus et son importance sur la santé humaine. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, commence par différencier les vertus du coco vert à celles du coco mûr. Quand la noix de coco est verte, contient des éléments nutritifs. En fait, les substances nutritives sont plus faibles. Mais quand la noix de coco mûrit, la pulpe devient plus consistante et elle contient moins d'eau et les substances nutritives sont plus concentrées. À ce stade, la pulpe de noix de coco contient une bonne proportion d'hydrates de carbone. La noix de coco contient aussi des protéines. Il contient aussi les sels minéraux qui ont des grandes valeurs. Il faut citer la magnésium, le calcium et le phosphore, les éléments les plus importants, la consolidation des os et aussi la calcification osseuse. La substance nutritive la plus abondante dans la noix de coco est la graisse, qui représente plus d'un tiers de son poids quant à elle atteint le mûrissement. Selon Jean-Paul Wineza, les sels minéraux que contient le coco interviennent dans la fortification des os. Les propriétés diétético-thérapeutiques de la noix de coco dépendent de sa teneur en minéraux, notamment en magnésium. La pulpe mûre en contient au moins 32 mg par 100 g et le lin de coco 25 mg par 100 g. Même si ce ne sont pas de grandes quantités, elles dépassent toutes de même celles de tous les aliments d'origine animale, y compris la viande, le poisson, le lait et aussi les œufs. La plupart du magnésium de l'organisme se trouve dans les os à 60% et dans les muscles 26%. Il contribue à la dureté des os et au bon état des cartilages qui forment les articulations dans les muscles. La consommation de la noix de coco prévient et guérit les maladies des os, ajoute Jean-Paul Wineza, le chercheur nutritionniste. Un aliment comme la noix de coco qui apporte ses minéraux dans une proportion correcte contribue au bon état des os et aussi des articulations et l'appareil locomoteur en général. Dans les cas suivants, la consommation des noix de coco exerce un effet bénéfique sur l'appareil locomoteur. Par exemple, des calcifications qui s'expliquent à la perte du calcium, arthrose qui s'explique à la dégénération des cartilages des articulations. En cas d'ostéoporose, qui est très fréquente, surtout pour les personnes adultes, due à l'absence de calcium, à l'absence de phosphore, à l'absence de beaucoup de minéraux. À côté des sels minéraux, ajoute le chercheur, la noix du coco possède des graisses en quantité suffisante. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition que se referme cette édition. Merci à Selmi Rambona pour la mise en onde. Merci à vous tous qui l'avez suivi à la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bonne journée chez vous. Au revoir. Oh.